Juste une annonce, ben, vous savez, la semaine prochaine, donc le 17 avril, donc notre 2 fois par mois, donc il y a une école ici, une école pratique. C'est pas une école, c'est biblique, hein, c'est des principes bibliques. Mais on n'est pas là pour étudier la Bible, on est là pour, c'est plus une école pratique. Concrètement, par exemple, la Bible, c'est un manuel qui, c'est pas juste un livre historique où il y a beaucoup de sagesse, mais il y a aussi des choses très pratiques qui favorisent l'épanouissement de l'individu. Puisque je le répète, la Bible dit, Jésus lui-même dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Donc on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de croyants, mais qu'ils n'étaient pas trop dans une vie abondante. On dit, c'est bizarre parce que Jésus dit qu'il est venu pour donner la vie en abondance et puis on ne vit pas pleinement la vie en abondance. Et donc, on a ce cours en ce moment qui va continuer jusqu'au mois de mai. Et donc, le 17 avril, l'APS, donc accompagnement pastoral systématique, rendez-vous ici à 19h30, mardi 17 avril. Donc, je vais vous présenter mon ami Octavio. J'ai 1000 anecdotes rigolotes, faudra il faudra qu'il revienne parce que on a tellement de souvenirs communs ensemble. On a servi Dieu ensemble dans la même église, même groupe de maison, etc. Mais une chose quand même que je peux, qui jaillit dans ma mémoire, c'est que il y a quelques années, donc il avait un boulot assez dur et il devait se lever très tôt. J'avais un boulot assez dur aussi. J'étais sur les marchés, je devais me lever tôt aussi. Et en fait, avec Lélio, que vous connaissez aussi, régulièrement, presque une fois par semaine, on se réunissait dans la voiture avant d'aller au boulot, sur le parking. Il était 6h du matin et on priait. Et un jour, on s'est dit, mais on s'est décrit nos rêves. Dans 10 ans, où est-ce que tu voudrais être? Et c'est pas évident parce que des fois, vous voyez, on a l'impression qu'on est un peu orgueilleux, etc. On disait, mais non, mais moi, je veux être pasteur à plein temps, je veux implanter des églises. On était là, ouais, toi aussi, ah ouais, toi aussi. Et on a commencé à prier pour ça. Sauf qu'on était dans notre petite voiture et il y avait des gens qui promenaient leurs chiens, vous voyez, à 7h du matin, et puis qui voyaient 3 garçons basanés. De la buée dans la voiture, c'était un peu louche, vous voyez. Mais on priait avant d'aller aller au travail. Et c'est tellement réjouissant aujourd'hui de voir que cette prière, c'est pas inutile de la mettre dans la boîte de prière, elle a été exaucée. Octavio et Nathalie exercent un ministère brillant à Chambéry. Puis on sent vraiment qu'ils sont appelés à toucher pas que la ville de Chambéry, mais toute la région. Ils ont fait une action qui s'appelle Chambéry, je t'aime. Les médias sont venus, la ville dit, mais on veut vous aider. Mais les chrétiens étaient donc dans la ville, avaient des t-shirts, et puis Chambéry, je t'aime, ouais. Et puis, vous voyez, c'est pas juste à l'intérieur, dans les quatre murs, mais c'était dehors. Et les gens sont étonnés. Il y avait Annabelle a fait une danse qui représente la rencontre avec Jésus. Elle va la refaire d'ailleurs, ouais. Non, c'est une blague. Mais voilà, c'est des gens qui font bouger la Savoie. Les gens qui font bouger mon cœur, c'est un homme de feu, une femme de feu. On croit qu'on a encore plein de choses à faire ensemble. Donc, Octavio, tu fais comme tu veux, comme si tu étais à la maison. Merci à toi. Super, merci. Merci beaucoup. Je dis bonjour à tous. Hola, comment est-ce? J'espère que Katia va être avec moi. Comment dire? À chaque fois que je parle, elle me dit, mais tu n'as rien progressé, toi. Ça fait. Ça fait 20 ans que tu es en France et tu commets toujours les mêmes erreurs. Ça va, vous me comprenez? Regarde, Katia, tourne-toi. Non, je suis très touché pour cette invitation, on est tous très touchés. Je suis content, vraiment, on est bénis d'être avec nos enfants, Paul, David, qui sont là-bas aussi, Annabelle, Nathalie. Et c'est des amis, ça fait 18 ans, non? 18 ans qu'on poursuit la route ensemble, chacun dans l'appel respectif que Dieu a mis dans nos cœurs, mais on bosse pour les mêmes boss. On est ensemble et on est passionné pour ça. Donc ça, c'est génial. Je suis très content ce matin aussi parce que je vois par terre des comment on appelle ça, des coquelicots. Ça, il y a certains qui deviennent d'une plante qui s'appelle le pavot. Et je me dis, oh là là, mon passé me poursuit. Oh, c'est un signe. Ceux qui ne connaissent un peu mon histoire, je viens de la Colombie, donc c'est vrai que mon passé n'a pas été toujours dans la bonne voie. Mais juste, je voulais dire, vous savez, Dieu voit pas les choses comme nous. Et des fois, notre histoire, nos vies, on les regarde avec des lunettes à nous-mêmes. Mais Dieu, il voit les choses d'une autre manière. Vous savez, des pavots, on peut voir des jolies fleurs, on peut faire de belles choses, et en même temps, on peut faire des choses terribles, parce que dans nos pays, on transforme et on fait ce que vous connaissez, l'héroïne, toutes ces choses-là. Et c'est ça que Dieu m'a mené dans mon cœur, comme pensée par rapport à ces fleurs que je voyais là. Vous êtes dans une étape dans laquelle certains ont des lunettes, dans lesquelles vous posez beaucoup de questions. Tout à l'heure, j'ai entendu dire des grands écarts qui sont là. Mais Dieu a des lunettes. Il faut prier à Dieu, Seigneur, donne-moi ton regard. Parce que je suis certain qu'il y a des belles choses qui sont en train de se passer là. Vous êtes en train de s'aimer, mais il y a des choses que vous devez voir dans la foi. Et vous êtes dans cette dynamique de foi. Moi, je voudrais ce matin vous partager une phrase qui m'est venue pour vous. Et cette phrase, elle est tout simple, c'est « Ne limite pas Dieu ». Je ne sais pas si on arrive là. Voilà, « Ne limite pas Dieu ». Et c'est quelque chose que on peut se dire, mais Dieu, il est omniscient, il est omnipuissant, il est partout, il n'y a rien qui peut le limiter. Et c'est vrai que si nous utilisons ces termes-là théologiques, on peut dire, non, théologiquement, on ne peut pas limiter Dieu. Mais je vais parler de quelque chose qui est beaucoup plus dans nos vies, dans notre nature. En fait, on peut limiter l'action de Dieu dans nos vies. On peut limiter l'action de Dieu dans nos vies. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on puisse, comme j'ai dit tout à l'heure, changer nos regards, changer nos lunettes et qu'on puisse voir ce qu'il peut faire dans nos vies, malgré les situations, malgré l'étape que vous puissiez vivre. Je vais prendre comme exemple un peuple que Dieu a toujours utilisé dans la Bible, c'est le peuple d'Israël. Ça va jusqu'à là, vous me comprenez? Je vais essayer d'aller pas trop vite, mais jusqu'à quelle heure? 14 heures? Non. Non, vous inquiétez pas, je vais essayer d'être efficace. Et il y a un verset que je trouvais dans la Bible. Cette traduction, elle dit « Dieu a choisi ce peuple pour l'amener loin, pour l'élever d'Égypte, il l'a amené jusqu'à la terre promise. » Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible a dit que « Car coup sur coup, il tentait l'effort, il bornait, je mis là, limitait les saints d'Israël. » Quand je lis ça, je pensais, vous savez, on fait la route de Chambéry jusqu'à là. On a vu plein de panneaux. On a vu des panneaux de ne pas dépasser la vitesse. On a vu aussi des bornes. Et je me suis dit que dans notre nature, on peut agir de certaines façons dans lesquelles on va mettre des limites à Dieu. On va mettre des bornes, même par rapport à ce qu'il veut accomplir dans nos vies, dans nos cœurs. Vous savez, on a nos secrets parfois, on a notre manière d'agir, nos habitudes, et des fois on met des bornes. Là, jusqu'à là, Seigneur, je commence à marcher avec toi, mais je pense que ce domaine-là, il m'est réservé à moi. C'est ma petite boîte à moi, c'est mon intimité, c'est moi. Comme quand on va dans une maison, en Colombie on dit jusqu'à la salle de vie, mais pas jusqu'à la cuisine. Donc on ne donne pas l'accès aux gens qui viennent aux visites jusqu'à la salle de vie, mais pas jusqu'à la cuisine, parce que là-bas, ils vont voir les assiettes sales, la réalité de la vie. Mais ça, on ne l'a pas trouvé chez Katia. Ah, c'était cool, c'était tout propre. Mais ça pour vous dire que oui, il y a des fois, on peut limiter l'action de Dieu dans nos vies. Et je me suis dit, mais c'est quoi qui peut limiter l'action dans nos vies? Il y a deux choses qui peuvent limiter l'action de Dieu dans nos vies. La première, ce que peut limiter l'action de Dieu dans nos vies, c'est nos pensées. En fait, les combats, ils se passent là. Ça, vous le savez. Les combats, ils se passent là depuis le matin jusqu'au soir. Telle notre pensée, telle on est. Et quelqu'un disait que la première heure de la matinée, elle va conditionner toute la journée. Et c'est certain, vous faites l'expérience, vous vous réveillez, vous dites d'abord... Ah, je me suis réveillé avec le pied gauche, je vais vous regarder dans le miroir, oh, j'ai une sale gueule. Ah, vous pouvez commencer à conditionner. J'ai encore une autre ride qui vient de sortir. Bon, toutes les choses. La journée sera conditionnée par rapport à cette première heure qui est là. Et je pense que, moi je vous encourage à regarder la journée. Il y a un verset dans la Bible, Lamentation 3:23 qui dit, « Les bontés de l'Éternel » se renouvelle chaque matin. Donc vous voyez, c'est aussi un déclic que nous devons avoir dans notre pensée. Il y a un verset dans la Bible, dans Proverbe 23:7, qui dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est », en parlant de l'homme. comment il a pensé dans son âme, tel il est. Et on peut conditionner nos vies par rapport à ça, de certaines manières. Mais je pense que, quelle est notre part à nous? Ben, c'est simple, je pense qu'il faut regarder chaque journée comme un champ qui est devant nous, comme une opportunité que nous avons devant nous pour que nous puissions appliquer la loi de la semaille. Ce qu'on sème, on le récolte. C'est-à-dire, je fais le choix de me réveiller aujourd'hui, je vais s'aimer l'amour, je vais s'aimer la foi, je vais s'aimer quelque chose dans ma vie. Par exemple, si j'ai de la haine, si je manque du pardon, toutes ces choses-là, si je fais l'opposé, si je fais le choix de s'aimer, tout ça, c'est certainement, tu vas récolter aussi l'amour, tu vas récolter l'amour, le pardon, tu vas moissonner aussi la largeur à niveau des finances. Donner, c'est beaucoup mieux que recevoir. Et ce sont des petites lois que certainement vous devriez connaître, mais c'est très important de revenir à ça parce que ça conditionne vraiment nos vies. Et je voudrais que ce matin, tu puisses dire, non, je ne limiterai pas Dieu. Est-ce que tu peux le dire à notre voix ça? Non, je ne limiterai pas Dieu. Il y a une autre chose qui peut limiter l'action de Dieu dans nos vies, c'est rester dans notre confort. Tout à l'heure, Greg, il disait, il donnait une image très juste, il disait, on ouvre les fenêtres pour que la lumière rentre. Mais je disais, pour ouvrir les fenêtres, il faut s'élever. Il faut du mouvement. Il faut sortir de là où on est. Et tout à l'heure aussi, j'ai beaucoup apprécié les deux jeunes qui sont là venus avec la boîte là, parce que c'est une petite boîte. Visuellement, on la voit avec une petite boîte. Mais à mon avis, cette petite boîte, elle contient beaucoup de puissance. Il faut regarder les choses d'une autre manière. Et c'est un beau défi ce que vous faites. Vous savez quoi? Ne laissez cette boîte vide. Allez-y, remplissez-la de prières. Je suis certain que Dieu va faire des choses et Dieu va continuer à faire des choses dans cette église. Donc, il faut vraiment... Je vous pose la question, est-ce que vous voulez vivre le surnaturel? Je t'ai entendu ça. Je veux voir des miracles, je veux voir le surnaturel. Est-ce que vous tous, vous voulez vivre le surnaturel? Attendez, il faut que vous soyez alignés au nom de votre église. Comment il s'appelle votre église? Transformation. Transformation, elle s'évoque à quoi? Dites-moi. Changement, quoi de plus? Qu'est-ce que ça vous évoque, transformation? Onction, qu'est-ce que ça vous évoque? Dites ce que vous évoque. Des hommes sauvés, transformés. Un changement de regard. Une nouvelle étape. Révolution. Ah, j'aime ça. Ça me fait penser à évolution. Oui. Je dirais aussi révolution, ça me fait penser au Che Guevara. Non, mais Jésus-Christ était un révolutionnaire aussi. Amen. Ah, moi, je suis certain que vous pouvez révolutionner cette ville. La histoire de cette ville. Il faut que vous soyez ensemble. Donc, mais pour ça, il faut oser aller. D'accord? Et ça peut commencer par une petite boîte. Parce que j'ai déjà vu que les petits commencements produisent des grands changements. Hein? Parfois, les feux dans une forêt, ils deviennent juste possibles grâce à une étincelle. Tu as vu, je prononce bien. Une adverse, elle peut venir grâce à une petite goutte de pluie. Je pense que nous devons vraiment nous dire dans nos vies, si je veux voir l'action de Dieu dans ma vie, je pense qu'il va falloir changer, réformer nos pensées. Et je vais vous donner une phrase que les Français, que les chrétiens français et que les Français, ils aiment beaucoup et qui limite complètement l'action de Dieu dans nos vies. C'est Dieu va pas me demander de faire quelque chose que je ne puisse pas faire. Et vous savez quoi? On se cache toujours de cette phrase, derrière cette phrase. Mais je voulais vous dire quelque chose ce matin. C'est une piège, parce que si vous regardez la Bible, vous allez regarder plein de personnages, plein d'hommes, de femmes, que Dieu les a demandé de faire plein de choses au-delà de leur force, au-delà de leur pensée. Regardez Hébreux chapitre 11, vous allez voir que les héros, je viens prononcer là, non, je n'ai pas fait l'alliation, les héros, non, mais les héros de la foi, ce sont des hommes, des femmes qui ont cru à Dieu, qui ont cru à ce que Dieu les demandait de faire et que c'était des choses vraiment... Vous regardez un Gédéon et vous allez voir que Gédéon, c'était un petit gars là-bas dans son village caché, il n'avait pas la force. Et Dieu lui dit, c'est toi qui vas libérer Israël. contre les Madianites. Mais je n'ai pas la force, je n'ai pas, je suis pas habitué aux armées, tout ça. Vous lisez son histoire et vous allez vous rendre compte de ce que Dieu a fait avec lui. David, on aime beaucoup les psaumes, on aime lire les psaumes de David, mais c'était un gars qui gardait les brevets de son père là-bas, dans l'anonymat. Et c'est l'un des plus grands rois qui a marqué l'histoire d'Israël. Et vous pouvez continuer. Je sais pas, un petit Colombien qui était là-bas en Colombie, dans les champs des pavots. Et vous savez quoi? Je croyais que c'était fini pour moi. Quand j'étais là-bas, dans cette route, on avait déjà processé les pavots, on avait la résine avec laquelle on va faire l'héroïne. On avait 3 ou 4 kilos sur moi et notre mission, c'était d'aller du laboratoire artisanal, du champ pour l'amener dans un laboratoire artisanal. On va ensemble sur la route avec un gars plus âgé que moi qui avait beaucoup plus d'expérience. Et là, on voit devant nous des guerrilleros armés jusqu'aux dents, armé partout. Et là, les gars, ils me donnent un coup de bras, ils me disent « Mon ami, fais ta dernière prière. » Et là, j'ai compris qu'il me disait, j'avais entendu déjà, il tue, il vole, et c'est avec ça qu'il se font de l'argent. Donc quand il m'a dit ça, un froid est rentré dans mon corps, de ma tête jusqu'à mes pieds, et on a continué à marcher, lui, pourquoi pas courir. Il m'a dit, non, ce n'est pas la peine, mon gars, pense à ta famille plutôt, dis au revoir à ta maman, fais plutôt ça. Et là, mon cœur, je dis, mais non, ce n'est pas possible. Et là, je lance un défi. Je me suis dit, la dernière alternative, c'est que je puisse lever mon regard et dire, s'il y a quelqu'un là-bas en haut, si tu es puissant, si tu es vrai, fais quelque chose dans ma vie et donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Garde-moi, je ne veux pas mourir là, perdu dans la forêt. Fais quelque chose. Et on continue à marcher, on continue à marcher. On était à 5 mètres, je veux dire, à la distance de Katia et Nathalie. On était nous là. Et les gars, ils prennent les armes, ils pointent vers nous. Mais il y a quelque chose de formidable qui s'est passé là. Ils n'arrivaient pas à tirer. C'était comme s'ils étaient gelés. Je ne sais pas si ça, on dit ça, que ça rayait, non? Et nous, on marchait et marchait, et je priais, Seigneur. Oh, si tu existes, une force. Je faisais la prière à celui que je ne connaissais pas. Je me disais, peut-être que par derrière, ils vont tirer. Mais écoutez, 5 minutes sont passées, 10 minutes sont passées, on continue à marcher. Pour nous, c'était une éternité. Et au bout du moment, quand on les a laissés derrière, je voyais que mon camarade, il avait fait pipi sur lui. Il pleurait, tellement c'était la pression. Et il est tombé par terre à un moment donné. Et moi, je tombais aussi avec lui, et on pleurait. Il me dit, on est sauvés, on est vivants. Il me pensait comme ça. Je lui dis, oui, on est vivants, on est vivants. Il me dit, mais comment? Oui. Je lui dis, Dieu fait la prière, mais ce n'était pas la dernière prière. Il m'a dit, waouh, on a vécu un miracle. Vous savez quoi? Ce jour-là, j'ai compris que Dieu a une histoire pour chacun d'entre nous, mais qu'il faut oser. Il ne faut pas le limiter. Je ne sais pas si vous êtes en train de vivre des histoires dans lesquelles vous dites, c'est fini pour moi. Il n'y a pas d'espérance, non. Ne le limite pas. Ça m'attend mon message, pas. C'est ne limite pas Dieu. Même si tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Je ne le connaissais pas du tout. Moi, je connaissais les Che Guevara. C'était mon inspiration. Vous savez, ici, là, en France, vous avez comment ça s'appelle, les chewing-gums, là, que les enfants mettent les malabars. Et dans les malabars, il y a les tatouages qu'ils collent là et tout ça. Eh bien, nous, en Colombie, on avait une version malabar, mais les tatouages, c'était les Che Guevara. On avait tous. C'est lui qui avait les Che Guevara. C'est vrai. Et quand j'ai entendu, alors les Che Guevara, c'était, vous savez, qu'on sait la phrase de lui, son slogan, c'est oh là là, je l'ai déjà oublié, tu vois, j'étais vraiment transformé par Dieu. C'était, dis-moi Nathalie, vas-y. Non, tu sais pas, tu n'es pas colombienne. voilà. Hasta la victoria finale. Ouais, hasta la victoria finale. Et moi, je me disais, waouh, c'est un gars qui est. Ouf, je vais y aller jusqu'à la victoire finale. Je vais me battre. Ça éveillait quelque chose. Il s'en donne son discours, malgré qu'il était déjà mort, parce qu'il était décédé quand je commençais à rentrer en ça, dans l'histoire du communisme. Il disait, venez mourir avec moi, on prend les armes, on va mourir pour une cause, et on ne lâche pas. Mais un jour, quand je suis rentré de cette histoire chez moi, et j'ai entendu quelqu'un qui disait, en fait, Jésus-Christ, il ne t'invite pas à mourir pour lui, il est déjà mort pour toi. Je me dis, waouh, il y a un gars là qui me propose de mourir avec lui, qui ne m'offre rien dans l'avenir, mais il y a une autre qui me dit, écoute mon gars, tu n'as rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je suis déjà à la croix, il s'écrit, tout est accompli. Alléluia, je me suis dit, oui, c'est celui-là que je veux. C'est celui-là que je veux. Moi, je vous invite ce matin à suivre celui qui a tout accompli pour toi. Il ne va pas te décevoir. Et comme je l'ai dit, pas la peine de connaître la Bible, de connaître tout ça. Ça, vous pouvez le laisser là aux pasteurs et ceux qui sont plus théologiens. Mais vous, si vous êtes dans une étape dans laquelle vous avez juste envie de rencontrer quelqu'un qui va faire des merveilles, qui va transformer ta vie, qui va toucher ta vie, qui va venir te rencontrer dans ton histoire, dans ta situation actuelle dans laquelle tu es, je te dis, je ne te connais pas trop, mais je ne te connais pas, mais viens. Ouvre cette fenêtre, comme Greg disait tout à l'heure. Donc, mais ne reste pas sans bouger. Ne reste pas dans cette confort. Il y a une phrase que j'écris. Oui, deviens marche arrière, s'il te plaît. Dieu ne bénit pas les intentions, mais il bénit les actions. Répète ça. Il dit à la personne qui est à côté, Dieu ne bénit pas tes intentions, mais il bénit tes actions. C'est un vrai défi, mais vous savez quoi? Dieu aime le mouvement. Parce que vous savez quoi? Dieu, ce n'est pas un Dieu non plus qui va se mettre à ta place et qui va faire pour toi. D'accord? Il ne va pas faire à ta place. Il va t'encourager. Vous savez, comme quand on a un enfant, on l'encourage à marcher. Il va t'accompagner, il va te protéger. Mais il faut qu'on soit dans le mouvement. Alors, je voudrais passer à la deuxième partie. C'est ce qui libère l'action de Dieu. Est-ce que vous savez, vous voulez connaître ce qui libère l'action de Dieu dans nos vies? Oui, ce n'est pas un secret, c'est des petits points qui sont très simples. La première chose, c'est élargir notre esprit. Et l'une des clés pour voir l'action de Dieu dans nos vies, c'est d'avoir un esprit ouvert. Et que nos sens spirituels soient toujours ouverts. On connaît un verset qui dit dans la Bible, élargis l'espace de ta tente. Mais élargir l'espace de ta tente, c'est aussi élargir la vision, élargir ta pensée. Être toujours des guetteurs de qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce qu'il va faire dans cette journée. Cette petite boîte qui est là de prière, qu'est-ce que Dieu va, Dieu va faire de grandes choses dans cette boîte. Je le vois déjà, c'est pour ça que nous allons laisser aussi un sujet de prière dans cette boîte. On se permet de le faire, d'accord? Et voilà, c'est ça, élargir notre esprit. Et vous savez quoi? Dieu le dit dans la Bible, il dit, car je projette des projets de bonheur et pas de malheur pour vous. Parce que je connais votre avenir. C'est un verset qu'on connaît beaucoup, c'est Jérémie 29, 11. Mais quand vous regardez le contexte de ces versets, ce n'était pas gagné. Le peuple d'Israël, si vous lisez bien Jérémie 29 chez vous, vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël venait d'être déporté. Il se retrouve en Babylone. Il se retrouve appelé dans son lieu. Vous savez, prenez l'histoire de votre église de transformation. Vous vous trouvez un baissier, là. Dieu vous met là. Et du coup, il se retrouve dans une société dans laquelle ils sont des défis, parce que vous savez, Babylone, ce n'était pas la même culture que la culture du peuple d'Israël. Mais Dieu le dit, car je connais vos cœurs, et j'ai des projets de bonheur pour vous. Mais ils voulaient limiter ce que Dieu voulait faire avec eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont plaints. Ils se sont dit, mais là, on ne peut rien faire. Regarde, il y a de l'idolâtrie. Ce n'est pas notre culture. Le roi de Babylone vient de nous opprimer. Il nous a mis comme esclaves. Donc, c'est fini pour nous. Et là, Dieu le dit, changez votre regard. Et c'est là qu'il est dit, recherchez le bonheur de votre ville, car votre bonheur dépend du sien. Il dit, bâtissez des maisons, cherchez des femmes, mariez-vous, ayez des enfants, soyez dans le mouvement. Vous savez ce que Dieu est en train de le dire? Dieu est en train de le dire, ne vous limitez pas à la mentalité d'esclave. Et vous savez quoi? Je vous encourage. Soyez pas une église dans la ville, justement. Vous savez, les églises dans la ville, c'est juste géographiquement. Vous ouvrez les annuaires, les pages jaunes, il y a une adresse, et c'est tout. Il y a une église dans la ville. Ne soyez pas non plus une église de la ville. C'est-à-dire l'église qui va s'effondrer dans la ville, qui va faire les choses de la ville. Le monde, quelque part, va s'identifier à tout ce qui se passe. Mais soyez une église qui apporte la vie. Une église pour la vie, une église pour la ville. Vous savez, on appelle l'église qui est pour la ville Ecclesia. Et l'Ecclesia, c'est ça, c'est une église qui est dans un hôtel, qui n'a pas besoin d'un local spécifique pour montrer la gloire de Dieu, pour vivre la transformation. Et je vous encourage à ça. Élargissez votre esprit, la vision, le champ de vision que vous avez. Et vous savez quoi? Ça va nous faire aussi changer la mentalité. Je veux encourager les personnes qui croient dans cette vision, qui sont appelées à vivre cette aventure de transformation. Ne soyez pas en frustration, ne soyez pas surtout en comparaison avec d'autres églises, avec les choses comme se font ailleurs. Soyez vous-même, accompagnez la vision que Dieu a mis dans le cœur des Grecs et des Cathes. Accompagnez la mission que vous avez ici-là et vous allez voir que vous allez percer. Vous n'allez pas passer à côté de ce que Dieu a pourvu pour vous. J'avais une image à vous montrer tout à l'heure. Et tu peux cliquer. Juste pour vous expliquer qu'élargir notre esprit, c'est changer de mentalité. Vous savez, il y a des pays dans lesquels les gens souffrent de faim. Ils meurent de faim, comme dans l'Inde, alors que la chair, la viande se promène à côté d'eux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, la mentalité, elle est tellement forgée par rapport au fait d'une pensée religieuse que les gens sont capables de mourir de faim, les enfants vont mourir de faim alors qu'il y a des vaches qui se promènent partout. Je vous dis quelque chose, ne laisse pas passer les vaches à côté de vous. Changez de mentalité. Vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Dis à la personne qui est à côté, ne laisse pas passer ta vache à côté de toi. Dieu a pourvu, il a prévu des belles choses pour chacun d'entre vous. Bon, là c'est une vache, mais Dieu a pourvu une destinée pour toi. Dieu a pourvu pour toi un appel, une métier. Dieu a pourvu une famille, Dieu a pourvu quelque chose de spécial. Ils sont là. Mais des fois, notre mentalité, elle est tellement dans l'échec. Tu vois, une mentalité fermée, on élargit pas, on n'arrive pas à se projeter. On rentre dans sa pensée, oh, je veux ça, non, je veux pas ça, je suis en échec. Non. C'est comme ça qu'on laisse passer à côté les bénédictions. Et je pensais à ces cultures comme ça qui sont là en train de dire « Ah, on meurt de faim, les enfants sont malnutris. » Et les vaches sont là. Je suis certain que Dieu était en train d'envoyer plein de vaches dans cette église. Plein de bénédictions. Ne les laisse pas. Ne les laisse pas passer à côté de vous. D'accord? Voilà, je passe une autre point. C'est pour à accueillir l'action de Dieu dans nos vies. Alors, quelque chose de très facile. Voici, mettre tout à sa disposition. Je pense que pour voir l'action de Dieu dans nos vies, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux apporter? Oui, il ne faut pas croire qu'on n'a rien. Il y a trois choses que chacun, toute personne a dans sa vie. Soit, je appelle ça les 3 T. On appelle ça les 3 T. Le temps, les talents et les trésors. Vous avez du temps. Vous avez des talents. Ça, c'est certain. Dieu a donné dans vos vies des choses que seulement vous savez faire. Et quand je parle de talents, ce n'est pas juste chanter beau ou faire des grandes peintures. Des fois, vous avez le talent d'approcher quelqu'un et de s'intéresser à cette personne. Vous avez cette déclic, cette force de pouvoir les faire sentir qu'elle est importante. Et vous savez quoi? Ça, c'est un très, très, très bon talent. Parce que le monde, actuellement, ils ont besoin de ça. Des gens qui puissent aller vers les autres, les joindre dans leur situation et les donner une bouffée d'air, oxygéner leur vie. Donc, ces trois choses-là, vous pouvez les mettre à disposition. il y a aussi les trésors. J'espère que Dieu va mener dans cette église transformation des hommes qui ont des visions à niveau d'entreprises, des entrepreneurs, voilà, qui ont des projets à niveau de développement qui vont être des moteurs de finances. Ce n'est pas juste pour nous faire du bien nous-mêmes. Mais si Dieu nous donne cette ressource, c'est aussi pour apporter quelque chose à la société. Pour qu'on puisse marquer la différence. Je pense que l'un des plus grands défis dans notre vie, c'est le temps. Et je vais juste vous partager quelque chose. Il y a une étude qui a été faite d'une personne qui peut vivre 72 ans. Et les experts nous disent que nous passons l'équivalent de 21 ans à dormir. 21 années à dormir. 14 ans à travailler. 7 ans dans la salle de bain. Je pense que certains passent beaucoup plus de temps. 6 ans à manger. 6 ans à voyager. 5 ans dans les files d'attente. Ici en France surtout. 4 ans à étudier des livres, de faire d'autres choses. 3 ans dans les réunions. 2 ans à répondre aux appels. 1 an à chercher ce qu'on a égaré. 22 mois à louer Dieu. 8 mois à ouvrir du courrier inutile. 6 mois à attendre au feu de circulation. Quand vous voyez tout ça, là, vous vous dites, il va falloir que je puisse gérer. Tu disais dans les équipes qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps. Mais par contre, nous pouvons le gérer. Gérer le temps, gérer notre temps. Et je pense que ça, c'est très important aussi. Si tu veux avoir l'action de Dieu dans ta vie, quel est le temps que tu l'offres, que tu le donnes à Dieu dans ta vie? Quel est le temps que tu prends toi-même pour remettre ta vie devant lui, pour remettre de l'ordre, pour dire, allez, je finis avec tout ce qui peut bousiller ma vie, avec toutes ces dépendances, toutes ces addictions. Et vraiment, je prends du temps avec Dieu. Je pense que c'est ce que vous faites là, quand vous allez faire mardi. Ça, c'est important. Donnez du temps pour que Dieu puisse venir dans vos vies, dans son action. Et moi, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que quand je suis arrivé à Chambéry avec Nathalie, j'avais peur d'être pasteur. Parce que je ne voulais surtout pas être enfermé dans son église le dimanche matin à chanter Alléluia, Amen. Pour moi, c'était trop réducteur. Je venais d'un monde dans lequel je travaillais et en même temps, je témoignais, j'étais lumière là, quelqu'un qui aimait les gens et je me suis dit, je ne veux pas ça. Et vous savez quoi? Il y a 6 ans, on avait un groupe de 8-10 jeunes. On était là à Siloé et on se disait, mais j'avais toujours cette passion de faire quelque chose, de sortir à l'extérieur. Je le disais à... J'aime les Africains parce que les Africains, ils n'ont pas peur, ils s'y vont à fond. Donc j'avais une Africaine avec moi et je l'ai dit à Aubin, alors est-ce qu'on va sortir ces jeunes de là dans la rue? Il m'a dit, oui, allez, on va y aller. Et on a programmé un week-end pour sortir dans la rue parce que dans notre église, il y a une dame qui vient, qui s'appelle Hélène, et son mari, c'est un député, qui s'appelle Louis Besson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi Besson, c'est lui qui l'a établie. Et donc, c'est un gars qui a un regard très, très mitigé des églises. Ils disent, en fait, les églises, c'est des gens qui sont juste là pour, le matin, visser les ampoules et faire des essuie-glaces. C'est triste, non, comme image. Ça m'a touché. Je me suis dit, oh là là, l'image que les gens ont de nos vies en tant que chrétiens d'église. Et du coup, pour nous, c'était vraiment un défi de dire non. On n'est pas juste dans une église le matin pour nous faire du bien, pour sauter, pour nous faire du bien entre nous. Mais on est là parce qu'on croit dans un Dieu qui n'a pas de limites et qui peut venir changer une société, qui peut nous utiliser pour faire de grandes choses. Et on a sorti ces jeunes-là. On s'est dit, tel week-end, on va sortir dans les rues de Chambéry, on va faire des actes civiques, on va nettoyer, on va ramasser la poubelle, on va aller visiter une maison de retraite, des réfugiés, on va faire quelque chose, on va montrer qu'on est là, qu'on n'est pas juste dans la ville ou qu'on est de la ville, mais qu'on est là en apportant la vie. Vous savez quoi, quand on a commencé à parler de ça, il y a une église qui est venue frapper la porte pour nous dire, on a entendu que vous allez faire ça, on veut faire ça avec vous. Il y a deux autres églises qui sont venues nous dire, on veut venir avec vous, on veut venir. Il est week-end, alors qu'on avait pensé faire 8, 10, 15 jeunes qui sortaient, on était la première fois une quarantaine. À notre grande surprise, il y a eu un journaliste qui est venu, il nous a enregistré, et ça passait dans les journaux des régionales. Et wow, on s'est dit, on ne savait pas qu'on allait faire autant d'impact par rapport à ça. Et c'est là qu'est né Chambéry, je t'aime. En fait, on avait juste envie de dire à la ville, on aime cette ville, mais pas juste qu'avec nos mots, mais on veut apporter quelque chose. Et là, on est à la sixième édition, septième édition de Chambéry, je t'aime. Et là, je voudrais, vas-y, va. Et cette année, on a eu le journal aussi Dauphiné qui est venu. Et là, on est là, qui s'écrit une démonstration d'amour pour leur ville. Ils savent qu'on est des chrétiens, qu'on proclame Jésus-Christ, qu'on proclame la foi, qu'on croit en Dieu, mais qu'on n'est pas juste des gens là mystiques le dimanche matin, mais qu'on apporte quelque chose dans la ville. Et ça a changé complètement le regard des autorités de la ville. Là, avant de faire cette action, je suis allé rencontrer deux élus. Et c'était le bonheur de parler avec eux, parce qu'on voyait des gens qui étaient réconciliés avec le regard de l'église. L'église c'est qui? C'est vous et moi. Je suis certain que Dieu veut faire de belles choses dans cette église de transformation. Et je voulais finir avec le dernier point, c'est ne manque pas les rendez-vous divins. Ne manque pas les rendez-vous divins. Il n'y a rien de meilleur qu'être dans les bons lieux. Il n'y a rien de meilleur qu'être dans les bons lieux, à la bonne heure et au bon moment. Et vous savez quoi? Dieu, il est toujours à l'heure. Il est toujours là. C'est à nous d'avoir cette sensibilité. Et j'ai une question pour finir. Dans quel esprit, dans quel état d'esprit attends de vivre ta journée? Avec appréhension, avec peur? Je ne vais pas minimiser tes défis que tu as. Mais je veux juste te dire, ne conditionne pas ta journée selon tes sentiments, tes émotions. Mais ouvre ton cœur pour que l'action de Dieu puisse agir dans ta vie. Et je pense que là, tu vas être étonné. Dieu veut nous faire vivre dans l'inattendu. Dieu veut nous faire vivre dans l'inattendu. Et ce matin, je veux juste vous encourager à ça. Tout à l'heure, quand on passait le temps de louange, je pensais à transformation. Et je pensais à un pont aussi. Et cet lieu, cette église, la vision, elle va être très impactée. Elle va impacter parce que ça va être comme un pont aussi, dans lequel vous êtes dans ce pont-là. Il y aura des passages, des allées, venues. Mais les gens, les choses qui vont passer de l'autre côté, ils ne vont jamais ressortir comme ils sont revenus. Prenez cette parole comme une parole d'encouragement pour qui fera partie de la vision de cette église. Tout à l'heure, vous avez dit avec soif, je veux voir des vies transformées, je veux voir des miracles. Oui, ça sera fait. Et c'est déjà en train de se faire. C'est déjà en train de se faire. Transformation, c'est une église qui est appelée à impacter. À impacter. Vous avez choisi ces noms, pas au hasard. Il y a quelque chose de l'impact de la notion d'impact. Mais vous êtes aussi des hommes et des femmes que Dieu vous a donné la force, l'onction de pouvoir transformer les situations, transformer les vies, transformer toute situation. Il n'y a rien qui l'échappe à lui. Et si je suis là ce matin, c'est parce qu'un jour, il a transformé ma vie. Ce matin, je vais juste s'inviter à, si on a quelques minutes pour prier. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là la première fois, peut-être que vous venez là la première fois ou la deuxième fois, et vous pouvez vous poser la question, mais oh, ce gars-là, avec cet accent-là, tout ce qu'il a dit, tout ce qui est-ce que c'est vrai. Je veux juste vous lancer un défi. Moi, ce que j'ai vécu, Dieu le sait. J'étais là-bas dans cette forêt, il sait que je ne mens pas. Et je me suis dit, toujours je veux raconter ça. Le jour que ça m'arrivait, j'ai fait une alliance avec lui. Je lui ai dit, tu as fait ça, eh bien, je vais toujours raconter ça pour toi. Pour que les gens sachent qui tu es. Et c'est pour ça que je ne m'empêche pas de le dire. Je pense que ma femme et ma fille sont lassées d'entendre mon histoire tous les jours. Mais c'est pas grave. C'est entre lui et moi. Et juste, je voulais dire ce matin, oui, les personnes qui sont là pour la première fois. Juste, je vais faire une invitation. Si tu oses aussi faire cette démarche que je fais aussi de dire, je ne te connais pas, je suis là parce qu'on m'a invité. Je ne me sens pas très à l'aise peut-être, mais juste je vais lancer un défi. Viens dans ma vie, viens dans cette situation. Je vais voir comment tu agis. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu, c'est un Dieu de défi. Il aime les défis. Et donc, du coup, je veux juste les personnes qui sont là pour la première fois et qui veulent espérer vivre cette expérience de voir Dieu agir sans limite dans ta vie. Juste lève la main là, tu es. Et comme ça, je vais juste dire, voilà Seigneur, merci. Très bien, super. Il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui viennent de lever la main là. Seigneur, tu vois, qui viennent de lever la main, pas pour moi, mais pour toi. Et je ne sais pas quel est le regard qu'ils ont de toi dans leur vie. Mais toi, tu les connais, tu connais chaque situation. Et je sais que tu vas agir dans leur vie.